بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث الرابع والستين كي لصوصن كتخيام حديث توجور نون الأذان سي لو داني حديث دو سو شابيتر. نعم. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كي لي دي كو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم أدي سي يامي vous entendez le مؤذن فات الأذان alors dites ce qu'il dit. Répétez tout ce qu'il dit. Yaqul qala fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen. Rawi, le rapporteur c'est Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sabaqat tarjamatu fi al-hadith raqm 53. Abu Sa'id, d'accord, c'est le rapporteur du hadith et que sa tarjama a déjà été cité dans le 53e hadith. Yaqul mawdu' al-hadith bayan hukm mutaba'at al-mu'adhdhin bimithl ma yaqul. Le sujet du hadith, c'est de montrer le jugement du prophète de répéter ce que dit le muazzin. Yaqulu fi sharh al-ijmali, l'explication globale du hadith. Yuhaddithu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amara man sami'a al-muazzin an yaqula mithla qawlihi. Dans ce hadith, Abu Sa'id al-Khudri informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, a ordonné à celui qui entendrait le muazzin de dire comme lui, de répéter ce qu'il dit. وذلك من أجل أن يشمل أجر الأذان للمؤذنين لمن سمعه وتبعهم الأذانهم. Et cela en but que justement que la récompense de l'Azan soit partagée entre celui qui aura fait l'Azan et celui qui l'aura entendu et qui l'aura suivi en cela. وهذا من كمال الشريعة الإسلامية وشمولها والحمد لله رب العالمين. Et cela fait partie justement de la perfection de cette législation islamique et de sa globalité, et les langes dont Allah Seigneur démontre. Yaqul fi fawaid al-hadith, les enseignements utiles du hadith. Mashru'iyati mutaba'at al-mu'azzin bi kulli ma yaqul 'inda kulli jumlatin illa fi hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah. Fa yutabi' bi qul la hawla wa la quwwata illa billah badalan 'anhuma lil-hadith al-warid fi dhalika fi sahih Muslim. Donc il est légiféré de suivre et de dire tout ce que dit le mu'azzin. Hormis lorsqu'il dit Hayya al-Salah les deux fois, lorsqu'il dit Hayya al-Falah les deux fois, à ce moment-là, nous on dit quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Ni de force, ni de puissance, ce n'est pas Allah. Comme cela est venu, a été précisé dans un autre hadith, dans Sahih Muslim. Il faut savoir une chose, c'est que là, on ne cite que des hadiths généraux tirés des deux recueils authentiques, et que des fois, il y a des hadiths qui sont plus particuliers que l'auteur ne cite pas. Des fois, il donne une règle générale, et des fois, il y a des règles, des choses qui font exception. Cité dans d'autres hadiths que l'auteur ne cite pas dans ce livre. Car lui, parmi ses conditions, c'est de ne citer que des hadiths qui sont muttafaqun alayhi, qui sont rapportés par Muslim et le Bukhari. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire que l'autre Shali'a n'est basé que sur ces deux livres-là. Mais sont les deux plus authentiques. Et d'autres hadiths authentiques sont cités individuellement dans chacun des deux livres ou dans d'autres ouvrages recueils de hadiths par des imams qui précisent tel acte. Par exemple, on l'avait pris dans l'Ozo au début du livre. Que les hadiths ne parlent pas de frotter les oreilles, par exemple. Dans la sifat de l'ozo. Ici, dans le livre, il n'en parle pas. Alors, cela fait partie de la sunna de le faire. Par exemple. Wa'akada. Aussi, dans l'azan, il ne parle pas de mettre les mains dans les oreilles. Alors que cela fait partie de la sunna. Cela a été su comment? Par d'autres hadiths. Ces hadiths-là sont des hadiths de base, des piliers dans les règles. Mais ils ne sont pas forcément précis dans tous les bebs. Dans d'autres bebs, dans certains chapitres, on a besoin de d'autres ahadiths qui complètent et qui clarifient bien la chose, qui soient plus précises. Thumma yaqul, thaniyan, annahu la yaqulu shay'an idha shahada al-mu'adhdhin wa lam yasma'hu. Que ce hadith montre que tu ne dis rien si jamais tu vois le mu'adhdhin, mais que tu ne l'entends pas. Car avant, le mu'adhdhin montait sur un lieu qui était élevé pour faire l'azan. Et ce n'était pas un minaret comme on les voit aujourd'hui. Si on montait par exemple sur le toit d'une maison, on aurait les alikas pour que la voix porte mieux. Aujourd'hui, avec les micros, les ulamas disent qu'on s'en passe. Bien que des ulamas voient que c'est quand même une sunna de faire en sorte que le muazzin soit visible. Par exemple, il se peut qu'un sourd, quelqu'un n'entende pas l'azan, mais quand il passe, il connaît le lieu où le muazzin se lève et il le voit. Donc il sait que l'heure de la salat est rentrée. Et apparemment, dans ce qu'on m'a rapporté, ce serait l'avis de Cheikh Othaymeen. Et cet avis, il serait fort. Que le muazzin, à la base, on devrait le voir également. Sans pourtant avoir à faire des minarets, qui sont des choses qui ont été innovées, Le massager, au début, n'avait pas de minaret. Donc, c'est une perte d'argent. C'est une ressemblance aux koufars ou mécréants avec leurs clochers sur leurs églises. Et c'est une innovation. Une chose qui n'a pas de précédent chez les salafs. C'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et, Tayyib. Soma yakoul. ثالثا انه يتابع المؤذن وان تعدد المؤذنون et qui suit le muazzin même s'ils sont plusieurs. Et ça, c'est un call sur lequel il y a divergence. Certains ulama disent tu en prends un seul, tu le suis. D'autres disent ce que tu entends. Mais c'est vrai que le premier call serait plus évident car des fois, on a au moins dans une ville, par exemple, bon, dans les pays d'islam, ce qui n'est pas le cas dans les pays de mécréants, au moment de l'azan, des fois, dans une ville, il y a au moins, dans ton quartier, il y a au moins 10 masajid, ils font tous l'azan en même temps. Comment tu peux répéter tout ce qu'ils disent? Tu ne peux pas. C'est pas possible. Donc, tu es obligé d'en choisir un. Donc, cela paraît plus évident. Rabi'an, si'at fadlillahi wa kamal shari'atihi. Ce qui montre la grandeur de la grâce d'Allah et la perfection de sa législation. Naam. Fadha allazi radna al-yawm. Et aussi dans le hadith, ce n'est pas une obligation de répéter ce que dit le muazzin. C'est-à-dire, le hadith est venu sous forme d'impérative. Mais d'autres hadiths ont montré que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà parlé au moment où le muazzin faisait l'azan. Ce qui prouve que ce n'est pas obligatoire, c'est juste recommandé. Non. Babetambi. Fabien de Kodnaktafi ou Alhamdulillah Rabbil Alamin.